Comment vivre dans l'instant présent en spiritualité? La pratique de vivre dans l'instant présent est un concept central dans de nombreuses traditions spirituelles. Cela implique d'être pleinement conscient et présent dans le moment présent, sans être accaparé par les regrets du passé ou les inquiétudes pour l'avenir. Ici, nous allons explorer les enseignements et les techniques des différentes pratiques spirituelles qui encouragent à vivre dans l'instant présent. La pleine conscience. La pleine conscience est une pratique spirituelle qui trouve ses origines dans le bouddhisme, mais qui est désormais adoptée par de nombreuses traditions spirituelles et pratiques de développement personnel. Elle consiste à porter une attention intentionnelle et sans jugement à chaque moment présent. La pleine conscience nous aide à prendre conscience de nos pensées, émotions et sensations, tout en restant détaché de nos réactions automatiques. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise est un principe essentiel dans la spiritualité, et il est étroitement lié à la vie dans l'instant présent. Il implique de se détacher des attachements émotionnels au passé ou aux désirs futurs, et de simplement accepter ce qui se présente dans l'instant présent. Le lâcher-prise nous libère des souffrances causées par la résistance aux changements et aux événements de la vie. Méditation et pratique contemplative. La méditation est une pratique spirituelle qui favorise la présence consciente. En se concentrant sur la respiration, les sensations corporelles ou un objet de méditation. La méditation nous aide à calmer l'esprit et à nous connecter avec le moment présent. Les pratiques contemplatives, comme la contemplation des enseignements spirituels ou des éléments naturels, renforcent également notre conscience du moment présent. L'observateur intérieur. Certaines traditions spirituelles enseignent la notion d'un observateur intérieur, une conscience qui observe de manière détachée nos pensées, émotions et actions. En développant cet aspect de soi, nous pouvons nous libérer des identifications excessives à nos pensées et émotions, et ainsi vivre plus consciemment dans l'instant présent. La gratitude et l'appréciation. Cultiver la gratitude et l'appréciation pour chaque instant de la vie est un moyen puissant de vivre dans le moment présent. En reconnaissant les petites joies et les bénédictions de la vie quotidienne, nous sommes davantage présents et éveillés à la beauté du monde qui nous entoure. Se connecter à l'instant présent à travers les sens. Les pratiques spirituelles encouragent souvent à se connecter pleinement à l'instant présent en utilisant nos sens. En prêtant attention aux sons, aux odeurs, aux saveurs, aux textures et aux couleurs qui nous entourent, nous pouvons expérimenter une plus grande présence et un sentiment d'émerveillement face à la vie. La conscience de l'impermanence. La reconnaissance de l'impermanence de toute chose est un enseignement clé dans la spiritualité. En acceptant que tout est en constante évolution et en changeant, nous sommes amenés à apprécier davantage chaque moment présent et à y trouver de la signification. Pratiquer la compassion et l'amour inconditionnel. La pratique de la compassion et de l'amour inconditionnel envers soi-même et les autres est une façon de s'ancrer dans le moment présent. En se concentrant sur l'amour et la bienveillance, nous nous éloignons des jugements et des critiques, nous permettant ainsi de vivre dans l'instant présent avec un cœur ouvert. Éviter la distraction et l'hyperconnectivité. La vie moderne est souvent remplie de distractions et de sollicitations constantes, ce qui peut nous éloigner de l'instant présent. En faisant des choix conscients pour éviter la surcharge d'informations et les distractions inutiles, nous pouvons nous relier davantage à l'instant présent. Pratiquer la patience. La pratique de la patience est essentielle pour vivre dans l'instant présent. Être patient avec soi-même et avec les autres nous permet de lâcher prise des attentes et des projections dans le futur, et de vivre pleinement chaque moment tel qu'il est. En résumé, prenez conscience de votre respiration, prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration et ressentez l'air entrer et sortir de vos poumons. Soyez attentif à votre corps, sentez votre corps, observez les sensations qu'il génère, soyez attentif à votre posture et détendez-vous. Écoutez vos pensées, ne jugez pas vos pensées, laissez-les venir et partir sans vous y accrocher. Prenez simplement conscience de leur existence. Soyez présent dans chaque action que vous entreprenez, prenez le temps d'apprécier chaque moment, chaque tâche, chaque rencontre et chaque conversation. Évitez de vous projeter dans le futur ou de vous accrocher au passé, restez concentré sur le moment présent et profitez-en pleinement. Pratiquez la méditation. La méditation est un excellent moyen de se connecter à l'instant présent et de calmer son esprit. Faites des pauses régulières pour vous ressourcer, prenez des moments de détente pour vous recentrer sur vous-même et vous reconnecter à l'instant présent. Exemple de mantra pour se sentir ancré dans l'instant présent en respirant profondément et en fermant les yeux. Om, Rim, Em, Rim, Nama. Ce mantra est souvent utilisé pour calmer l'esprit et améliorer la concentration. Il est basé sur les sons rim et m, qui sont censés favoriser la clarté mentale et la focalisation de l'esprit. En répétant ce mantra régulièrement pendant la méditation ou tout simplement en le récitant mentalement lorsqu'on a besoin de se concentrer, on peut ressentir une plus grande stabilité et une meilleure capacité à rester concentré sur une tâche donnée et de mieux se sentir ancré dans l'instant présent. En conclusion, vivre dans l'instant présent en spiritualité est une pratique transformative qui nous invite à être pleinement présent, conscient et ouvert à la réalité de chaque instant de la vie. En utilisant différentes techniques de méditation, de lâcher prise et de pleine conscience, nous pouvons progressivement approfondir notre connexion avec le moment présent et trouver une plus grande paix intérieure et un épanouissement spirituel. La pratique de vivre dans l'instant présent peut être une source de guérison et de transformation profonde dans notre parcours spirituel. Page 2, nous allons voir comment éviter la négativité, page 2.